Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, au moment où Notre-Dame de Paris, l'un des piliers du patrimoine architectural français, subit les graves préjudices d'un incendie, plongeons-nous dans l'histoire d'un autre marqueur culturel et identitaire de l'histoire française, le Louvre, et plus récemment, sa pyramide, conçue par l'architecte Léo Minpei et portée, insufflée, chapeautée par François Mitterrand. L'histoire de la construction du Grand Louvre, c'est une bataille architecturale, certes, esthétique, bien sûr, muséographique et évidemment, mais aussi politique. Le récit du Grand Louvre est multiple, comme les différentes couches de construction successives de ce palais, sans doute le plus célèbre de ce pays, ancienne demeure des rois, de deux empereurs, de la République et des arts. Pendant une heure, nous allons nous balader dans ce monument de France, accroché à la Seine et au jardin des Tuileries. Nous allons nous inviter dans des réunions officielles ou secrètes, nous plonger dans les journaux de l'époque, entendre les témoignages d'acteurs privilégiés de cette grande aventure, et nous allons suivre François Mitterrand dans son œuvre de bâtisseur. La pyramide du Louvre fête cette année ses 30 ans. Notre invitée aujourd'hui, l'une des protagonistes de cette histoire, Françoise Mardrus, conservatrice du patrimoine, historienne de l'art et spécialiste de l'histoire des musées et plus particulièrement du musée du Louvre. Vous entendrez également un reportage de Gaylor Randwimersch sous la pyramide du Louvre, réalisé pour la première diffusion de l'émission il y a 4 ans. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Coy Nguyen, Jérôme Chélius et Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Paris, 21 mai 1981, un jour à part dans l'histoire de la capitale. Avec l'élection de François Mitterrand, le 10 mai, c'est la première fois depuis le début de la Ve République que la gauche remporte l'élection présidentielle. Pour célébrer cette victoire, François Mitterrand souhaite honorer la mémoire de Jean Jaurès, l'un des pères du socialisme et figure historique de la nation. Et c'est Jack Lang, accompagné de son futur conseiller Christian Dupavillon et du réalisateur Serge Boatti, qui se charge d'organiser cette grande fête populaire et symbolique. Paris en sera la scène, et le quartier latin, celui des universités, des étudiants, des lettres, conclura cette entrée en fonction avec une cérémonie au Panthéon. Dès le matin de ce 21 mai, Paris est déjà noir de monde. Valéry Giscard d'Estaing accueille l'homme qu'il a vaincu quelques jours plus tôt. Il quitte le palais sous les sifflets et les crachats, et François Mitterrand devient officiellement le 21e président de la République française. Après un discours ponctué de 21 coups de canon, le tout nouveau chef d'État remonte les Champs-Élysées, puis pose quelques roses sur la tombe du soldat inconnu. En début d'après-midi, il est reçu par le maire de Paris, Jacques Chirac. Le troisième homme de la présidentielle qui, dit-on, a soufflé à ses supporters de voter Mitterrand, l'accueille avec le sourire du travail bien fait. L'un comme l'autre savent qu'ils se retrouveront face à face dans les prochains mois ou les prochaines années. En attendant, c'est la courtoisie toute républicaine qui est de mise. Jacques Chirac prononce un discours, puis donne la parole au nouveau citoyen d'honneur de la ville. Monsieur le maire, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Monsieur le maire, je vous remercie des vœux que vous venez d'exprimer pour la réussite de cette nouvelle période qui vient de commencer dans l'histoire de la République, ainsi que des souhaits que vous formulez pour le changement dont la France vient d'affirmer la volonté. Puis le président dessine le portrait de Paris, salue son histoire, rappelle son lien avec la gauche, raconte ses souvenirs de la libération, avant de conclure par ces mots. Oui, monsieur le maire. Il y a beaucoup à faire. Paris, ville des Lumières, parce qu'elle est une ville de mémoire. Sachons, à présent, inventer l'avenir. Vive Paris, vive la République. Paris et la République ne font qu'un. Comme ses prédécesseurs, François Mitterrand connaît l'importance des grands projets architecturaux dans un mandat présidentiel. Les noms des rues s'effacent avec le temps, à l'inverse des pierres. De Gaulle avait offert aux Parisiens une maison ronde, la nôtre, la vôtre. Ici, et ainsi qu'un aéroport à Roissy. Georges Pompidou a consacré l'art moderne avec Beaubourg avant que Valéry Giscard d'Estaing n'entame plusieurs projets, un à la Villette, un autre dans l'ancienne gare d'Orsay transformée en musée et un institut du monde arabe près de Jussieu. Après son passage à la mairie, François Mitterrand remonte la rue Soufflot accompagné par ses fidèles et des milliers de Parisiens. Marmoréen, rose à la main, il vient saluer la dépouille des grands hommes de la nation. Dans cette solennité poussée à son paroxysme, François Mitterrand pense-t-il déjà à son Paris, aux grands travaux? A-t-il déjà l'idée de révolutionner le musée du Louvre? Deux jours après la marche dans Paris, sur le perron de l'Élysée, Jacques Attali énumère le nom des nouveaux ministres du premier gouvernement de Pierre Mauroy. À la culture, un nouveau venu est nommé. Il s'appelle Jack Lang. Quelques jours après, il est convoqué par le président à l'Élysée. François Mitterrand lui demande de dresser une liste de grands projets culturels et architecturaux emblématiques à réaliser à Paris et en région. Leur amitié et la confiance réciproque est réelle depuis quelques années. Ils ont tous les deux cet amour des belles lettres, des artistes, de l'histoire des peuples et des pierres. Mais ce rôle gratifiant n'en est pas moins compliqué. Confident et première main, l'homme de la rue de Valois doit proposer sans déplaire, innover sans brusquer, émerveiller sans éblouir. Et le 27 juillet 1981, Jack Lang tente sa chance et envoie une première note intitulée « Le Grand Louvre ». Le Louvre, l'ancienne maison des rois devenue dépôt d'œuvres d'art, puis musée suivant les balbutiements de notre histoire, n'est plus au début des années 80 qu'une accumulation maladroite et surchargée de collections diverses et variées, dont la plupart échappent au regard des Parisiens bloqués dans les greniers et les caves du musée. Pour les 3 millions de visiteurs annuels, l'accueil est souvent chaotique. Georges Salles, l'ancien directeur du Louvre, parle même d'un théâtre sans coulisses. À cette période, le palais est une sorte de commode dont on bourre chaque tiroir de fonctions et de fonctionnaires. Voyez donc les Richelieu, à la place des sculptures françaises du rez-de-chaussée ou des tableaux des collections germaniques et flamandes du second étage d'aujourd'hui, un autre trésor est sur place, celui des finances. Les dorures des pièces sont agréables, mais le bâtiment n'est pas fait pour accueillir une administration moderne, c'est clair. Par exemple, les architectes successifs du palais n'ont pas pensé à concevoir un parking souterrain pour accueillir les voitures des fonctionnaires. En attendant, elles abondent aux abords du palais rue de Rivoli ou au milieu de la cour Napoléon, autour d'un square miteux où les amoureuses et les touristes auraient peine à s'asseoir pour se reposer. Le palais du Louvre, symbole d'une partie de notre histoire, n'est donc plus en 1981 qu'un parking funeste. C'est sans doute pour ces raisons que Jack Lang propose, je le cite, « de recréer le Louvre en affectant le bâtiment tout entier au musée et ainsi d'en faire le plus grand musée du monde ». Quelques jours après son envoi, la note est de retour avec une annotation du président qui dit « Bonne idée mais difficile par définition comme toutes les bonnes idées ». Avec ce président-là, il faut savoir lire entre les lignes. Excellent élève sur ce terrain, Jack Lang a compris. Il a le feu vert de Dieu. Il peut poursuivre l'initiative et les recherches avec ses collaborateurs dont Christian Dupavillon. Le 24 septembre 1981, François Mitterrand annonce ses intentions et il prend les devants lors d'une conférence de presse. J'ai également pris la décision, mesdames et messieurs, sans vouloir désobliger personne, de rendre le Louvre à sa destination. De ce fait, j'ai demandé au Premier ministre de prévoir l'installation et la construction du ministère des Finances dans des lieux aussi nobles qu'il le mérite, mais sans qu'il y ait de confusion excessive entre l'état de fonctionnaire de cette noble maison et les objets d'art qu'il convient de montrer au public. Rendre le Louvre à l'histoire de France. La surprise est totale chez les journalistes, comme du côté du gouvernement. Le ministre de l'économie, Jacques Delors, et du budget, Laurent Fabius, semblent apprendre en direct la fin de leur bail rue de Rivoli. Même les conservateurs du musée n'ont pas été mis dans la confidence. L'objectif Louvre est désigné, il faut désormais en construire les contours. Alors, comment révolutionner le musée? Et qui pour mener les différentes batailles à venir? Très vite, un nom surgit pour jouer le rôle de président et de contrôleur général du projet Grand Louvre. Le nom de quelqu'un qui connaît aussi bien les méandres de l'administration que les arts des palais, il s'appelle Émile Biasini. Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose. Il fut pourtant l'un des hommes de Malraux lorsque celui-ci était aux manettes des affaires culturelles du pays sous la présidence du général de Gaulle. Entre septembre 1967 et juin 1968, il arpente également nos couloirs, ceux de la Maison Ronde, quand celle-ci hébergeait l'ORTF qu'il a dirigé pendant moins d'un an. C'est Jack Lang qui propose son nom au président. Le ministre souhaite également la création d'un établissement public constructeur à l'image de ce qui a été fait pour le centre Pompidou ou le musée d'Orsay. Le président l'écoute et invite un jour d'été Émile Biasini à Latché dans sa bergerie landaise. Émile Biasini raconte la suite dans l'émission À voix nue de France Culture à laquelle il est invité en 2001. Un jour, le maire de Rolliette, qui était un ami de Mitterrand et qui avait fait s'installer à Latché, me dit en Aquitaine, le président de la République veut vous voir. Et il m'a emmené en jeep dans la forêt, et j'ai vu Mitterrand, que moi je ne le connaissais pas. Et Mitterrand, ah bonjour, monsieur Biasini, est-ce que vous voulez faire le Grand Louvre ? Bah, j'ai dit, écoutez, je ne sais pas bien ce que c'est, mais je suis d'accord. Bien, bah écoutez, Jacques Lang vous convoquera. La Lang était ministre de la Culture. Au revoir, etc. Ça a duré 3 minutes. Et j'ai attendu la convocation de Jacques Lang. Rien n'est venu pendant plusieurs mois. Effectivement, Jacques Lang met du temps à laisser à Biasini la place qui lui est due. Chacun travaille de son côté en attendant l'officialisation du projet. Biasini visite les musées d'Europe et du monde pendant que Jacques Lang poursuit de front les différents chantiers lancés depuis sa nomination, dont le Grand Louvre. En mars 1982, il publie un premier rapport sur les grandes opérations d'architecture et d'urbanisme. Document qu'il écrit avec Roger Quillot, ministre de l'Urbanisme, Paul Guimard, conseiller pour les questions culturelles, et Robert Lyon, directeur du cabinet du Premier ministre. On les surnomme la bande des quatre. Les fondations sont désormais posées, il ne manque plus qu'un architecte pour concevoir le rêve du Grand Louvre. Le choix se porte sur le sino-américain Léo Ming-Pei. Qui a eu l'idée ? À vrai dire, et à ce propos, la mémoire se détourne aux différents protagonistes de notre histoire. En tout cas, chacun connaît le projet que cet architecte a proposé pour le quartier de la Défense et ses différentes réalisations, dont la plus réussie à l'époque est le National Gallery of Art à Washington, dont François Mitterrand dira qu'il s'agit de la seule bonne action de Ronald Reagan. En juin 1983, on annonce que le Grand Louvre est confié à Pei. Il n'y a ni concours, ni appel d'offres. Pas très démocratique, mais le fait du prince est une réalité constante dans le pays qui a inventé la République moderne. Quelques mois après cet accord, Léo Ming-Pei donne rendez-vous à Émile Biasini à New York pour lui présenter l'avancée de ses travaux. Épisode qu'il raconte dans le documentaire « La bataille de la pyramide » réalisé par Frédéric Compin. Quand j'ai montré la maquette à M. Biasini, c'était à New York. Nous avions fait la maquette et la cour Napoléon était vide parce que nous avions enlevé les arbres. Et j'ai sorti de ma poche une pyramide en verre et je l'ai posée au milieu. Ceci sera l'entrée. Monsieur Biasini était choqué. Choc. Quelques jours plus tard, la maquette traverse l'Atlantique pour être présentée à François Mitterrand. Tout est minutieusement et secrètement préparé. De New York à l'Élysée, personne n'a le droit de glisser un œil dans cette fameuse boîte. Puis, c'est l'heure de vérité. Si le président refuse, il faudra tout recommencer. Le chef de l'État arrive, avec une heure de retard, une habitude, accompagné de son ministre de la Culture, une autre habitude, et de ses conseillers, un usage. Pei présente son projet, insiste sur l'importance d'un puits de lumière, du principe d'une grande entrée souterraine, de sa transparence, de la pyramide. François Mitterrand observe, scrute les perspectives. On surélève même la maquette à sa hauteur pour qu'il apprécie mieux les proportions. Alors il questionne, pointe les détails, puis demande aux personnes présentes si cela choque quelqu'un. Personne n'ose dire oui au cas où ce serait le cas. La pyramide est née. Is it raining with you? Après la naissance de la pyramide du Louvre, tout s'accélère. L'établissement public constructeur du Grand Louvre est créé. Émile Biesigny en prend la tête et une première enveloppe pour les travaux est débloquée. Pey, quant à lui, s'associe avec un cabinet d'architecture à Paris, celui de Michel Macari, futur architecte du Stade de France. On fixe un premier calendrier, serré mais jouable. Pour les différentes phases des travaux, la réorganisation de la cour carrée, les fouilles archéologiques à effectuer, la date du déménagement du ministère des Finances, il ne reste plus qu'une étape avant le lancement officiel des travaux, le passage dans la Commission supérieure des monuments historiques. La présentation du projet est fixée au 23 janvier 1984. Liu Mingpei a fait le déplacement pour expliquer son grand Louvre. Les conservateurs et membres de la commission découvrent alors la pyramide. Dès le visionnage des premières diapositives, un brouhaha s'empare de la salle. Chacun parle à son voisin de cette étrangeté que l'on propose de placer au cœur de l'édifice. Les questions s'accumulent, certains conspuent discrètement les officiels, d'autres s'insurgent à haute voix. Quelqu'un crie même « On n'est pas d'Alas ici ». L'interprète n'ose même plus traduire ses propos, comme les noms d'oiseaux d'ailleurs, qui arrivent du fond de la salle. Pei sort humilié et décontenancé de ce premier grand oral. Pourtant, à la fin de la réunion, le projet reçoit la majorité des voix. Disons qu'il suffit parfois de poser habilement la question pour que la réponse espérée arrive. Lors de cette commission, l'objet du vote ne porte pas spécifiquement sur la pyramide, mais sur le projet global de réhabilitation du Louvre qui comprend cette nouvelle entrée unique. L'art de jouer avec les règles pour offrir les règles de l'art aux favoris du prince, c'est cela. Malgré l'accord de la commission, la bataille n'est pas finie pour autant. Lors de la présentation, une journaliste de François, Nicole Duhau, est présente. Dès la fin de la réunion, elle court à son journal et propose à son rédacteur en chef de faire la une sur la pyramide de Pei dont elle vient de découvrir l'existence. Elle obtient une photo de la pyramide et une interview de l'architecte. Le 24 janvier, François titre « Le nouveau Louvre fait déjà scandale ». Dès le lendemain, les journalistes embrayent le pas. Jean Dutour parle d'une pauvre France, appelle à l'insurrection. Le Parisien Libéré titre « L'étonnante pyramide chinoise ». Mais c'est du journal Le Monde, par la plume d'André Fermigier, que vient la critique la plus violente. On se frotte les yeux, on pense rêver, on se croit revenu à l'époque des châteaux à vendre et des reconstitutions hollywoodiennes du temple de Salomon et de l'Alexandrie de Cléopâtre. Une pyramide de verre. Si Flaubert avait vu cela, Monsieur Pei, dit-on, adore les pyramides. C'est un sentiment assez généralement répandu, mais il ne nous paraît pas justifié que l'on traite la cour du Louvre en annexe de Disneyland ou en résurgence du défunt Luna Park. On accédera au Louvre par des trémises, autant dire par voie souterraine. C'est épatant. Et ce détail, joint au symbole de la pyramide, est une manière particulièrement heureuse de suggérer qu'un musée en général, et le Louvre en particulier, ne peut être que la maison des morts. La Maison des Morts, un pamphlet contre le Louvre. Cela fait 11 ans qu'André Fermigier officie au journal Le Monde, ce journal aussi célèbre dans le monde que le Louvre. Chaque mercredi, les gens du spectacle et des arts attendent la vie de cet historien de l'art. On craint ses mots, on murmure dès qu'il s'approche lors d'un vernissage ou dans une salle de spectacle. On évite son regard dans les conférences de presse. Fermigier est un monument de la critique et sa voix porte. Dans ces conditions, son opinion est un mauvais coup pour le projet. À la télévision, à la radio et dans la presse, tout le monde donne son avis sur l'utilité, la beauté, les proportions de cette pyramide. La bataille de l'opinion est lancée contre la pyramide, mais aussi, contre François Mitterrand, que le Canard Enchaîné surnomme même « Tonton Camon ». Chaque chroniqueur et personnalité devient architecte et conservateur du jour au lendemain. Jour après jour, Émile Biesigny doit défendre son projet. Ce en quoi consiste le projet, essentiellement, c'est faire le musée du Louvre, ou plutôt refaire le musée du Louvre qui en a bien besoin, car c'est un musée qui souffre de carences fondamentales dans son organisation et dans son établissement. Il a été établi dans des locaux qui n'étaient pas faits pour être des locaux de musée, c'est tout à fait comme une de ces grandes demeures où vous pouvez donner des réceptions somptueuses, mais où le drame commence si un convive veut se laver les mains. Il n'y a rien de confortable, rien de pratique, rien d'utilisable dans le musée du Louvre pour qu'il vive comme un vrai musée moderne. La décision du président de la République de lui affecter les locaux occupés jusqu'à présent par les finances va enfin permettre d'avoir une politique muséologique rationnelle, nouvelle, et surtout d'établir les commodités scientifiques, techniques, d'accueil dont le musée du Louvre manque cruellement. Émile Biasini fait face devant les micros, mais aussi en coulisses. À la fin du mois de janvier, il invite les conservateurs du Louvre, les équipes d'architectes et les différents responsables du projet à un week-end de travail à Arcachon. Trois jours de débats, d'échanges, d'idées communes, où l'horizon d'un musée moderne, accessible, populaire et pratique se dessine enfin et collectivement. Au retour de cette sorte de conclave d'Arcachon, un texte de soutien signé par les conservateurs en chef des sept départements du Louvre est publié dans la presse. Fumée blanche, la controverse s'estompe peu à peu. Mais un an plus tard, alors que les travaux ont débuté et que les fouilles archéologiques révèlent des trésors inattendus qui vont des habitats datant de Lutèce aux restes de fortifications de Philippe Auguste, la polémique ressurgit. En janvier 1985, naît le comité anti-Grand Louvre, fondé par Michel Guy, un proche de Georges Pompidou et ancien secrétaire d'État à la culture de Jacques Chirac. Jacques Lang le connaît bien, et pour cause. C'est lui qui est responsable de son éviction en 1972 de la direction du théâtre Chaillot. Dans les rangs de ce comité, on retrouve André Fermigier, qui a quitté Le Monde après un article favorable à la pyramide paru dans son propre journal, écrit par un autre journaliste. On retrouve aussi Bruno Foucard, Nathalie Sarraute, Edmond Michelet et Michel Caldag, maire du premier arrondissement de Paris. Oui, les maires des arrondissements de la capitale constituent un autre front dans cette bataille. Alors Jacques Chirac est l'objet de toutes les attentions de la part d'Émile Biasini et de Jacques Lang. C'est qu'en tant que maire de Paris, sa voix compte et son soutien est indispensable pour clore la polémique et poursuivre rapidement les travaux. Dès le début de la controverse, Jacques Lang décide de montrer la maquette à des proches de Jacques Chirac, dont Claude Pompidou, la veuve de l'ancien président, dont le leader RPR était très proche. Jacques Chirac, premier opposant à François Mitterrand, donne son accord de principe et promet une sorte de pacte de non-agression sur ce sujet. Il réclame néanmoins une maquette grandeur nature pour que lui et les Parisiens se rendent compte d'eux-mêmes. Et le 1er mai 1985, une grue géante de 70 mètres de haut s'installe près de la cour Napoléon. Des câbles en téflon sont tirés, la structure se dessine, le projet devient réalité. Pendant 5 jours, les Parisiens passent une tête sur le chantier. Moi, j'étais pas pour au départ, mais en lisant plusieurs articles dessus, j'étais assez pour et maintenant je suis convaincu que c'est très bien. Personnellement, je n'approuve pas le mélange des genres. Avec de ce café Pompidou, c'est mieux. Rouge, vert, bleu, ça c'est plus choquant. Tandis que ça, c'est moderne, mais c'est joli. On croirait un petit diamant. Ça n'avait pas besoin de ça. Je trouve ça terrible. Pour la publicité du Louvre. Paris, de toute façon, comme beaucoup d'autres villes, mais surtout Paris, est un mélange d'époque, est un mélange de style. Bah, c'est dommage qu'on assimile à la fois la récupération du Louvre avec une promotion d'un produit nouveau qui va défriser beaucoup de gens. Atroce. Pour vous qui êtes en faction ici, c'est plutôt agréable à regarder. C'est très agréable, oui. Et puis lorsque ce sera en réalisation, ça sera très positif. Jacques Chirac est rassuré, comme une majorité des Parisiens d'ailleurs. Le projet peut donc se poursuivre. Les fouilles avancent rapidement. Des nouveaux dessins sont proposés pour intégrer ces trouvailles dans le musée. Les calendriers sont à peu près respectés, comme le budget, malgré le tournant de la rigueur. Bottes aux pieds et casque sur la tête, François Mitterrand visite de temps en temps le chantier, accompagné d'Émile Biasini, du ministre Jacques Lang ou des architectes. Quand ce n'est pas sur le chantier, c'est à l'Élysée qu'on lui apporte les dernières nouveautés, les innovations imaginées, les pierres, les couleurs choisies. Il suit avec beaucoup d'attention la problématique du verre utilisé pour recouvrir la pyramide dont l'ancienne manufacture royale des glaces, Saint-Gobain, se charge. Le verre doit être d'une transparence et d'une platitude totale pour éviter tout effet de déformation lorsque l'on scrutera les façades du palais à travers la pyramide. Après plusieurs essais, la formule est trouvée et aujourd'hui encore, on peut se satisfaire de cette réussite made in France. Ces années-là, Paris est le plus grand chantier de France. Tous les grands travaux de la capitale sont lancés. Et le 9 juillet 1985, François Mitterrand pose la première pierre de l'Arche de la Défense, la rénovation des Tuileries s'engage, tandis que le nouveau ministère de l'Économie commence à pointer le bout de son nez du côté de Bercy. C'est un paquebot de 370 mètres de long en bord de Seine. Plus de 225 000 mètres carrés de bureaux accueilleront près de 4500 fonctionnaires. Comme prévu, Pierre Bergoglio, ministre de l'Économie et des Finances, annonce son départ avant janvier 1986. Mais le déménagement de la rue de Rivoli n'est que de courte durée. En mars 86, la majorité présidentielle perd les législatives et la France connaît la première cohabitation de son histoire. Le maire de Paris devient Premier ministre et nomme Édouard Balladur à l'économie, aux finances et aux privatisations. Dès sa nomination, le nouveau ministre refuse les locaux provisoires de son administration située dans le quartier de Saint-Germain, à l'hôtel de Roquelaure. Malgré la destruction des anciens locaux, il ordonne son retour rue de Rivoli. Jacques Chirac ne bronche pas et le nouveau ministre de la Culture, François Léotard, n'arrive pas à convaincre son collègue de lâcher le Louvre. Lui-même vient d'affirmer qu'il mènera à son terme le projet de Peille. Le fait du prince devient donc celui du ministre Balladur qui se rêve calife dans le palais de nos anciens rois. Alors un compromis est imaginé, les calendriers sont modifiés pour satisfaire sa demande. Édouard Balladur et Alain Juppé retrouvent la rue de Rivoli dès le mois d'avril 1986. Léo Ming-Pei, lui, poursuit son travail et présente quotidiennement le futur Grand Louvre français lors de reportages ou d'interviews télévisées. Pour nous qui venons de l'étranger, c'est le cœur de Paris qui constitue, avec les ensembles du Palais Royal, de la Place Vendôme et de la Concorde, l'un des exemples les plus stimulants que l'on puisse trouver dans le monde. C'est pourquoi, si l'on peut redessiner et donner une nouvelle forme à la cour Napoléon, lui donner vie, le jour comme la nuit, ils viendront de la rive gauche par le pont des Arts. Ils traverseront la cour carrée. Ils emprunteront le passage Richelieu et gagneront la rive droite par la rue de Rivoli. De cette manière, nous aurons fait du Louvre un centre d'attraction qui sera un trait d'union entre les deux rives. Le 4 mars 1988, alors que Jacques Chirac bat la campagne pour la présidentielle prévue dans un mois, François Mitterrand accueille les Parisiens et les journalistes à l'intérieur de la pyramide du Louvre qu'il inaugure. Haut de 21 mètres et large de 34, l'édifice est coiffé de 673 losanges posés sur une structure composée d'un maillage de 2100 nœuds et de 6000 barres, 95 tonnes d'acier et de légèreté. La pyramide est désormais une réalité. Les travaux ne sont pas totalement terminés, mais quel meilleur cadre sous la verrière de la pyramide pour faire le point sur le chapitre culturel de ce premier mandat, même s'il n'est pas encore officiellement candidat pour un second mandat. François Mitterrand, l'animal politique, profite de l'occasion et de l'interview des journalistes Patricia Charnelet et William Lémergie pour saluer le travail de François Léotard, mais surtout pour fustiger celui de son premier ministre et futur adversaire, Jacques Chirac. Je suis de ceux qui croient profondément que une politique culturelle est à la base de toute autre politique. Qu'il faut que les Français se retrouvent dans leur histoire, dans leur art, dans leur passé, pour qu'ils sachent mieux avoir l'ambition de leur avenir. Alors, vous voulez en venir à votre question? Oui. Que je crois avoir compris. Oui, je suppose que vous l'avez deviné et même compris. Je ne sais pas si les Français s'impatientent. Ce que je pense, c'est qu'ils comprennent très bien que je fasse mon métier de président, c'est pourquoi ils m'ont élu il y a bientôt 7 ans. Et je répéterai ce que je répète partout. Si je ne le fais pas, est-ce que l'État se trouvera en déshérence? Donc, il y a le Premier ministre. Non, le Premier ministre fait du travail, mais il est quand même très pris par sa situation de candidat. Ah, quand on est candidat, on ne peut pas tout faire, c'est ça que vous voulez dire? Je pense que c'est difficile. Mais monsieur le président, si... Je pense que c'est difficile quand on est candidat. Si personne n'était candidat, il n'y aurait pas d'élection. Je suis habitué. Il a parfaitement le droit de l'être. Bien sûr. Mais je ne le critique pas du tout pour cela. Je dis simplement que mon rôle, moi, est différent. Les Français s'impatientent, tiens donc. Alors le 22 mars, à 20h sur France 2, à la question d'Henri Sagnier, « Monsieur le Président, allez-vous briguer un second mandat ?» François Mitterrand répond « Oui ». Un oui de chanoine, aussi serein que sera éclatante sa victoire au mois de mai. 54% des voix au second tour face à Jacques Chirac, un triomphe. Quelques mois plus tard, lors de l'inauguration officielle de la pyramide et des nouveaux services du Louvre, et dans le sillage de la victoire écrasante de François Mitterrand, les visiteurs semblent conquis. Oubliez les polémiques. Toute la presse salue l'œuvre de Peille. Le public aussi semble heureux de ce nouvel endroit enfin terminé après plus de 4 ans de polémiques. Même le Figaro reconnaît sa réussite, y compris Michel Guy. Et le 11 novembre 1993, François Mitterrand inaugure avec Jacques Chirac l'aile Richelieu, là où était installé le ministère de l'économie. Édouard Balladur est absent. Il préfère visiter les nouvelles salles, seul. Puis déclare aux journalistes présents. Il ne faut jamais se retourner vers le passé. Non, non, j'étais très heureux de les revoir. Au contraire, très heureux de les revoir tellement mieux qu'ils ne l'étaient, tellement mieux entretenus, mieux refaits. Puis je trouve que c'est très bien que cet ensemble qui était fait pour une administration, finalement, à l'origine, ait eu cette vocation artistique. Aujourd'hui, le musée du Louvre est devenu l'un des tout plus grands musées du monde et il reçoit chaque année 10 millions de visiteurs. Désormais, le Louvre s'exporte en province, mais aussi à l'étranger, à Abu Dhabi, créant d'autres polémiques, d'autres histoires qui jalonnent une institution en perpétuelle révolution. Sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le Louvre et sa pyramide. Bonjour Françoise Mardrus. Merci à vous. Mais je vous en prie, attendez, c'est pas commencé. Merci d'être là. Vous êtes actuellement conservatrice du patrimoine, historienne de l'art et spécialiste de l'histoire des musées et plus particulièrement du musée du Louvre, dont vous avez pris la direction en 88 pour préparer l'ouverture de la pyramide en mars de l'année suivante. Vous avez co-dirigé la publication de l'histoire du Louvre en 3 volumes, édition Fayard, musée du Louvre en 2016, et vous venez de rédiger la pyramide du Louvre dans la collection solo du musée du Louvre, publiée le mois dernier. Voilà. Vous avez remarqué que j'ai dit le Louvre et sa pyramide, hein, parce qu'il y a le Louvre, il y a sa pyramide, et ces deux strates de l'histoire de notre pays qui se superposent et qui se rencontrent. Alors la pyramide a marqué un temps fort, évidemment, dans l'histoire du Louvre et du patrimoine de la France. Y a-t-il, à votre avis, d'autres événements dans l'histoire aussi symboliquement forts? Il y a eu le Centre Pompidou, les colonnes de Buren, mais est-ce qu'on a eu un chantier aussi ambitieux que celui-là, qui a tellement changé de choses? Y a-t-il eu un chantier aussi ambitieux au cours de l'histoire récente, de France récente, hein, parce qu'il y en a eu. Récente, oui, bien sûr, parce que j'allais vous dire, c'est quand même le Paris d'Haussmann aussi qui fut un grand moment et où le Louvre fut au cœur du sujet. Bien sûr. Mais récemment, je crois que les grands projets qui ont été engagés par François Mitterrand sont vraiment, véritablement, l'enjeu majeur de requalification de la ville, de Paris aussi. Et ça, c'est un enjeu très important parce que dans la séquence précédente, vous faisiez référence au square miteux Napoléon III, le parking des voitures du ministère. Et oui, en effet, c'était ça le problème. C'est que depuis les années 60-70, nous étions engagés dans une revalorisation et notamment touristique de la capitale, qui est devenue aujourd'hui la première, sinon une des premières capitales du tourisme mondial. Et c'est vrai que cet enjeu a joué aussi dans cette idée donc de requalifier tout cet ensemble en plein cœur de la capitale. Et précisément d'un point de vue urbanistique, qu'est-ce que cette rénovation du Louvre, avec sa pyramide notamment, mais pas que, a changé pour Paris? Est-ce qu'il y a une autre perspective vers l'est de Paris? Est-ce qu'il y a eu un changement comme ça d'orientation et d'éléments urbanistiques? Alors là, il faut se replacer toujours dans le fil de l'histoire. Et la construction de Paris, c'est l'axe est-ouest, le long de la Seine. Défense-Bastille, presque. Hein. Absolument. Donc, l'Arche de la Défense, c'est clairement, après la place de l'Étoile, la montée des Champs-Élysées, on est vraiment dans cette perspective. Le même axe, absolument. On est dans le même axe. Alors, sachant que, on est à la radio, mais sachant que le plan du Louvre, le grand parallélépipède, il est légèrement désaxé. Hein, depuis le donjon de Philippe Auguste, on a constitué ce grand ensemble monumental palatial légèrement désaxé par rapport notamment à l'axe des Champs-Élysées. Et pourquoi on l'a fait? C'est-à-dire qu'à partir du donjon de Philippe Auguste, à partir de l'évolution du Louvre qui a dépassé les enceintes donc de Philippe Auguste puis de Charles V et qui s'est développé vers l'ouest. On a bien un donc, décalage, d'accord. On s'est développé vers l'ouest, mais en effet, l'axe des Champs-Élysées, c'est quand même surtout au XIXe siècle, puis au XXe qui va se structurer. Alors, permettez-moi, cerise sur le gâteau. Justement, ça n'a pas été évoqué, mais pour marquer cet axe, symboliquement, et c'est un choix de l'architecte Yeo Ming-pei, d'y placer là, devant l'entrée de la pyramide, la statue de Louis XIV par le Bernin. Et donc? Et donc, elle est là pour montrer le redressement de l'axe, symboliquement. Très bien. Qu'est-ce que vous retenez maintenant de cette expérience que vous avez vécue? Vous avez vécu le récit qu'on a raconté. Qu'est-ce que vous retenez dans ce qui est de l'organisation des pouvoirs en France face à un tel projet? Le pouvoir politique, le pouvoir administratif, celui de la presse. Qu'est-ce que vous retenez de tout ça? Qu'est-ce qui vous a frappé? Alors bien sûr, j'ai eu la chance, donc c'est encore le côté mémoire qui perdure, j'ai eu la chance de rentrer toute jeune et donc de faire mes premiers pas professionnels auprès de ces grandes personnalités qui ont marqué ce projet. C'est aussi une période qui, sur le plan culturel, a marqué un temps fort et quasiment, on peut le dire, une sorte de révolution quand même sur le plan culturel de l'enjeu de ces grands monuments et de leur transformation, parce que c'est quand même le public qui devient, et l'accueil du public, qui devient la dimension première. Mais oui. Il y a la préservation des collections, qui est inscrite de manière parfaitement régalienne dans nos missions, mais en même temps, vous avez cette dimension qui perdure aujourd'hui, puisque, comme vous le savez, nous avons franchi la barre des 10 millions de visiteurs en 2018. Donc, pour en arriver là, 30 ans après, c'est vrai qu'il faut se reporter aussi sur une structure que l'État avait parfaitement engagée. Alors, Je pense, commençons les années Pompidou, en effet, qui ont requalifié complètement déjà... Avec Beaubourg, déjà. Oui, bien sûr, mais vous savez, Beaubourg, c'est aussi transformer le cœur de Paris, le cœur des Halles, donc avec aussi des polémiques, n'oublions pas les polémiques qui ont lieu. On a consacré une émission à ça, il y a quelques années. Très forte. Oui. Et on s'en est rappelé au moment de la polémique de la pyramide, Bien sûr, parce que c'est quand même un enjeu très important. Et donc, en effet, il y a là un enjeu très important, mais que l'État s'est parfaitement structuré depuis à peu près Pompidou. Et donc, une structure légère qui sert à opérer la maîtrise d'ouvrage de ces grands projets. Ouais. Ça a commencé avec le quartier des Halles, et puis ensuite, il y a eu le centre Pompidou, il y a eu le Grand Louvre, l'Opéra Bastille. Donc, à chaque fois, vous créez une structure... maître d'œuvre, économiste, programmiste, qui vont gérer l'enveloppe de l'État pour le compte du client, qui est la structure qui va recevoir les clés du bâtiment. Bon, et ce millefeuille, finalement, on s'en sort, mais il y a des résistances, on va dire des résistances politiques, après il y a la cohabitation, tout ça est compliqué. Est-ce qu'à un moment vous avez senti, non pas du découragement, allez, on arrête tout, c'est trop compliqué, mais vraiment des situations difficiles, avant que le projet n'aboutisse? Alors, moi je n'étais pas, évidemment, pendant toute la période de gestation du projet, c'est-à-dire toute la première période du premier septennat de François Mitterrand, mais nous connaissons, et je connais pour avoir discuté avec les personnalités qui ont œuvré auprès, à l'époque, que ce soit Michel Lacob, bien sûr, mon premier directeur qui m'a recruté, mais en même temps, Yves Dauge également, qui était à la mission des travaux, de ses premiers grands travaux auprès de François Mitterrand, Jack Lang lui-même. Il est vrai qu'il y a eu là des enjeux très importants d'échéance politique qui étaient de pouvoir achever. Si on avait pu achever cette première phase, le nouvel accueil du Louvre en 1900. Avant 86. Avant mai 88. Oui, 88. Oui, et oui, c'était ça l'idée. Donc, en effet, il y a eu une espèce de. Et là, Émile Biasini a joué un rôle absolument fondamental. Alors, on a dit de bulldozer, de rouleau compresseur, mais en même temps, il avait compris et il était dans cette échéance aussi, à la fois financière et en même temps politique. Alors, vous avez eu raison, il y a quelques secondes, de dire l'enjeu, c'était l'accueil du public. On est bien d'accord. Oui. Et donc, il y a 4 ans, lors de la première diffusion de cette émission consacrée au Louvre et à sa pyramide, notre reporter Gaylor Van Viermarsch est allé balader son micro auprès des visiteurs. On écoute. Musée du Louvre, on arrive là par la cour carrée. Il y a une grande grille en fer sous ses portiques. Et derrière se dévoile la grande pyramide de verre, la pyramide du Louvre. La pyramide du Louvre est belle. Bonjour. Oui. Peter, Australia. Je suis Peter, je suis Australien. On est en face de la pyramide du Louvre. Quelle est votre première impression? New and old. Nouveau sort of et ancien. Very new, very old. Une sorte de très moderne et très vieux. It's almost like a curiosity. Like, c'est presque une curiosité. Qu'est-ce que c'est? Quel est l'intérêt? It's like it's a signal. C'est comme si c'était un signal. Tiens, il y a quelque chose d'intéressant ici. I'm a fan of the old, I must admit. Je dois dire que je suis un fan de l'ancien, je dois l'admettre, mais j'aime aussi l'idée qu'une construction d'époque, ça ne doit pas être statique. Vous l'aimez, cette pyramide? I think so. Oui, I mean, je pense bien. By itself, no, but as part of the overall. Seul, non, mais en tant que partie de cet ensemble, je pense qu'elle convient d'une façon assez étrange. Qu'est-ce que vous voyez en face de vous? Qu'est-ce qu'on voit? C'est un accès de lumière. Disons qu'on a la lumière parisienne dans le Louvre. Cependant, bon, moi je suis pas un fan de cette pyramide. Pourquoi? Visuellement. Je trouve que ça colle pas avec le Louvre. Mais je sais que je suis minoritaire. Je sais pas, vous trouvez pas que ça jure un petit peu avec ce qu'il y a autour? On pourrait dire que c'est subjectif, mais je pense que l'architecture est un art et que une des choses très importantes en art, c'est l'harmonie. Et je trouve ça difficile d'affirmer que cette pyramide est en harmonie avec le reste du Louvre. Je vais pas non plus dire qu'il faut raser cette pyramide. C'est trop tard, maintenant elle est là et il faut s'y faire. Et moi je m'y fais. Hein. Et oui, c'est une œuvre à part entière, même si pour moi elle n'égale pas l'œuvre dans laquelle elle se situe. Voilà, à l'intérieur de la pyramide, déjà un peu plus chaud, cette grande structure de verre. Et c'est presque plus impressionnant dedans que dehors, finalement. Elle n'est pas très grande, en fait. On la croit beaucoup plus grande quand on est à l'extérieur, je trouve, que quand on est à l'intérieur. Il y a ce côté, on se sent à l'extérieur sans y être, oui. On voit, justement, en transparence, en étant à l'intérieur, toute la cour du Louvre à 360 degrés autour de nous. Oui, tout à fait. Ça a été un autre Louvre quand on a ouvert cet ensemble-là. Le renouveau, ça donne un coup de fouet à tout cela. Puis il fallait accueillir tout ce monde au Louvre. C'est quelque chose d'aérien, de transparent. Quand on passe le soir sur cette place, c'est comme si on entrait un peu dans le musée. On voit les petites lumières, on voit les gens qui entrent, qui sortent, on voit la fréquentation, c'est bien. Là justement, la nuit commence à tomber et la pyramide à l'intérieur vient de s'éclairer. Là, on se trouve en dessous, à l'aplomb de la pyramide. Je vous laisse vous présenter. Françoise Mardrus, je suis donc de formation conservateur. Je suis entrée au Louvre à l'été 1988 pour préparer les aménagements du Grand Louvre et organiser l'ensemble de ce projet d'aménagement de la pyramide, des espaces d'accueil du public qui était inauguré un an plus tard, en mars 1989. C'est un très bel objet dont on ne se lasse jamais. Il y a la perfection architecturale et technique. Yeo Ming Pei le dit lui-même, c'est pour lui la plus belle réalisation de sa carrière. Là, nous sommes à la fin du jour, en plein hiver. Les lumières se mettent à scintiller. Vous avez une relation avec la nuit qui tombe, avec l'éclairage extérieur sur les façades historiques. Je connais peu de bâtiments au monde où l'on ait cette confrontation du passé, du présent. Et je pense que le public, quand il monte l'escalator en quittant ici ou bien quand il descend l'escalier en colimaçon, il est bien parce qu'il y a le ciel hein, au-dessus. Donc cette transparence absolue est quelque chose aussi qui donne une perspective. On a ajouté quelque chose qui est devenu l'équivalent en effet de la Joconde, donc d'un des chefs-d'œuvre de l'art universel. Donc aujourd'hui, je dirais même, l'œuvre de Pei est à protéger. La pyramide du Louvre est devenue maintenant un monument historique. Une dernière chose, je voudrais vous quitter sur cette citation justement qu'on doit à Yeo Ming Pei qui disait « L'entrée d'un grand musée doit être appropriée au regard ». Oui, bien sûr, cette citation très belle contribue justement à montrer comme le musée demeure, et par son architecture et par son contenu, un lieu d'apprentissage du regard sur les œuvres. Donc c'est une école du regard, le musée. Je pense que l'entrée d'un grand musée has to be appropriate to look. Doit être appropriée au regard. La pyramide de Louvre est belle. Françoise Mardrus, comment être à la fois témoin dans un reportage et invité dans l'émission qui diffuse le dit reportage? Eh bien, c'était la surprise du jour. Est-ce que vous enlèveriez un seul mot de ce que vous avez dit il y a 4 ans? Un seul mot? Je ne renie absolument rien. Comme le Louvre qui passe à l'épreuve du temps, l'épreuve des mots. Donc 4 ans, vous avez prononcé ces mots, vous les gardez évidemment. Pour ne pas me faire rattraper par le temps, je vais être prudent. On va revenir au Louvre, mais je voudrais vous poser une question là, d'emblée. Évidemment, parce que on ne peut pas ne pas penser à l'incendie de Notre-Dame de Paris. Est-ce que on imagine l'incendie au Louvre, la catastrophe, vu toutes les merveilles qui y sont. Est-ce que les procédures de sécurité ont été renforcées, revues, depuis ce qui s'est passé à Notre-Dame de Paris? Tout d'abord, nous nous associons évidemment à cette événement dramatique, qui est tout récent, de quelques jours. Nous faisons au mieux, avec les corps de métier, bien sûr, qui sont les nôtres, au sein de l'institution, pour aider autant que de besoin. Il est évident que nous sommes tous, il n'y a pas que le Louvre, tous nous sommes susceptibles d'avoir à un moment ou un autre, imaginons tous les grands travaux que nous avons conduits jusqu'ici et tous ceux qui restent encore à faire, nous avons donc à tout moment le risque d'être confrontés à ce type de drame. Parce que c'est vraiment un drame mondial, plus que national. Et je comprends qu'il vous ait touché, vous particulièrement, vu le métier que vous exercez. Évidemment, par l'expérience que nous avons, la prévention est évidemment la chose fondamentale. De toute façon, elle est imposée très rigoureusement par la préfecture. Donc l'État est extrêmement soucieux que ces monuments puissent se conformer à la réglementation. Donc voilà, je ne peux pas en dire plus, puisque tout est fait. Mais il y a toujours la part, puisque une enquête est en cours, la part d'impondérable. Mais en même temps, les réglementations sont de plus en plus drastiques. Et donc, nous sommes obligés de nous y confronter et de nous y soumettre de toute façon. Donc, voilà. Vous disiez tout à l'heure, le Louvre, le musée du Louvre, un musée, c'est l'école du regard. C'est une belle formule. Quel est votre regard sur la polémique qui a éclaté ou qui a enclenché à l'époque de l'installation d'une antenne du Louvre à Abu Dhabi? Il était inauguré le 8 novembre 2017. Quel regard vous portez sur cette initiative et puis la polémique qui a eu autour? Alors, là on fait un grand saut. Hein. Oui. Mais on reste dans le Louvre. Le Louvre à Abu Dhabi. Dans le concept Louvre. Oui. Le Louvre à Abu Dhabi, c'est un accord intergouvernemental qui la régit, donc d'État à État, pas d'institution culturelle à institution culturelle. Donc, en effet, on est là dans un enjeu qui touche directement aux politiques, au pouvoir des États et aux choix qu'ils font. Donc, le musée du Louvre, son président-directeur de l'époque, ont suivi, évidemment, l'État dans ce projet. Et ensuite, il y a évidemment la création de l'agence France Muséum, qui regroupe 15 institutions muséales culturelles françaises, donc dont les plus grands musées français. Et donc là, c'est vraiment à l'échelle de l'État un enjeu de politique culturelle qui se déporte à l'étranger, donc, mais qui en même temps est aussi une vitrine de notre culture, de la culture, mais pas qu'occidentale, attention, puisque nous avons des œuvres de tout, et là c'est tous les continents qui sont confrontés et qui se retrouvent dans les 300 œuvres qui sont présentées, de manière permanente, mais des dépôts de long terme, au Louvre à Abu Dhabi. Donc c'est-à-dire que le concept d'universalisme, qui est bien représenté par la pyramide, objet nouveau, adossé, presque adossé à un monument ancien, c'est un côté universaliste. On le retrouve aussi dans le Louvre à Abu Dhabi, dans sa conception. Mais oui, bon. Et ça, c'est notre histoire depuis, alors certains le critiquent, mais que depuis 1793. Exactement. Merci Françoise Martrus, merci pour tous ces éclairages et explications sur cette maison que vous connaissez si bien, qui s'appelle le Louvre. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la pyramide du Louvre, ou le Louvre et sa pyramide, plus précisément, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission qui fédère de plus en plus d'auditeurs. Et je tiens à vous remercier, 21 000 auditeurs supplémentaires, 631 000 tous les jours et toujours autant de succès également. Côté podcast, merci à tous pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire Adrien Mora, Margot Pinel, Jeanne Maillard et Jean Bulot. Attaché de production Valérie Priolet, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, lecture comédien Philippe Pirard, Julien Large et Cécile Ribocayol, réalisation Hélène Bizio et Lauriane Toulmont.